Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec, appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. L'automne est déjà arrivé et vous voulez vous payer une bonne bouffe? Le restaurant Midas, c'est l'endroit idéal pour tous. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et offre un tout nouveau menu pour tous les budgets. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas rappelle que l'achat local est important pour soutenir notre économie. On est pas mal content de Samuel Girard et le fait qu'il a joué avec Piquet-Souban, ben, ça rend encore son périple à Nashville encore plus impressionnant pour nous, les gens, les amateurs de hockey, les amateurs de Samuel Girard. En ligne, on l'a à bout de fil, en bout de ligne. Il doit être de retour à Shawinigan. Salut Samuel. Salut. Oui, donc Samuel, es-tu content vraiment de ton périple à Nashville? C'est au-delà des espérances, là. Oui, exactement. Comme tu dis, ben moi, j'allais là comme premier but, c'est de percer l'alignement. Je suis arrivé là en tant que recrue, puis j'ai montré justement aux dirigeants qui étaient là qu'est-ce que je donnais sur la glace. C'est vraiment ça mon objectif aussi, de prouver, dans le fond, à tout le staff, puis à l'entraînement, aux entraîneurs, puis au directeur général, que je pouvais performer dans, même si j'ai tout le staff, je pouvais performer dans cette ligue-là. OK. Justement, qu'est-ce que tu as. Et de jouer avec Piquet-Souban, au Québec, c'est immense, là. De jouer avec, est-ce que c'est impressionnant? Est-ce que c'est facilitant? Parce que quelque part. Vous êtes deux défenseurs un peu du même style qui aiment transporter la rondelle. Donc, à quelque part, vous avez peut-être donné un petit peu de sueur froide dans la violette. Mais comment c'est, en fait, de jouer Piquet-Souban? Oui, exactement. Comme tu dis, c'est assez impressionnant. Là, mais moi, en tant que joueur, c'était là, dans le même job que lui. Il fallait que je me laisse impressionner. Mais comme tu dis, c'est sûr que c'est impressionnant d'être à côté de lui et jouer sur le même. Le même duo que Piquet-Souban, mais comme j'ai dit tout le long de mes entrevues pendant 15, il fallait pas que je me laisse impressionner par eux, puis il fallait que je continue à jouer ma game. Puis justement, même lui qui me le disait de pas m'en faire, puis de jouer ma game, puis pas me laisser impressionner par toutes les grosseurs qu'il y avait là, par lui. Le fait que vous êtes deux défenseurs transportés à rondelle, est-ce que quelque part tu restais plus en arrière quand Piquet la montait ou quelqu'un? Ben ça, c'est une chose qu'il faut qu'on deal, nous autres, les défenseurs, qu'on est deux défenseurs offensifs. Il y en a un qui y va, puis l'autre reste en arrière. Fait que c'est la même chose pour les deux, mais je pense que Peter Laviolette s'est mis ensemble justement pour voir ce qu'on pouvait faire offensivement. Il l'a dit aussi dans une entrevue justement après la game. Alors, c'est une belle expérience là, que j'ai vécue de jouer sur le même duo que Piquet-Souban. OK. Est-ce que, quand on s'est parlé la dernière fois, c'était la journée que tu étais à Nashville, que tu as signé ton contrat avec les Preds. Tu n'avais pas signé au moment où on s'est parlé. Ça a été toute une surprise, la manière que j'ai pu le lire dans les journaux. Toi, tu t'attendais vraiment à être tranché, hein? Ben, tu sais, écoute, je ne savais vraiment pas. Là, j'avais eu une bonne game en Floride, à ma première game hors concours. Et je pense que ça a amélioré mes chances pour rester un petit peu plus longtemps. Je savais vraiment pas quand elle allait m'en aller. T'sais. Je savais que je voyais du monde partir, puis moi je partais pas. Alors je me demandais que ça se passait un petit peu. Mais pendant un petit peu de temps, je croyais quand même gros que j'allais peut-être rester là. Mais ils ont préféré me renvoyer junior, puis ils me l'ont dit que parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de place, ils ont quand même une bonne défensive. Fait que je vais essayer de faire ma place dans les prochaines années. Là. OK. Qu'est-ce qu'on t'a dit maintenant? On t'a dit peut-être améliorer ton côté physique, du côté de ton jeu défensif, être meilleur que la rondelle. Qu'est-ce qu'on t'a dit quand on t'a retranché du côté des Preds? Ben, Ben, tu sais, côté physique, t'as, tout ce que je peux améliorer, dans le fond, c'est vraiment pas un petit peu tout ça, mais, ouais. Là-dessus, là, ils m'en ont vraiment pas parlé, là, les défenseurs, ils étaient vraiment satisfaits de la manière que j'ai joué. Ben, c'est sûr. Je suis pas un défenseur que, tu sais, il va commencer à brasser dans les coins, puis, c'est ma job. Moi, c'est sortir le puck, puis contribuer offensivement aussi. Fait que, tu sais, là-dedans, ils étaient bien heureux de... Dans le fond, ils ont vu ce qu'il y avait à voir, mais, tu sais, en tant que joueur, t'as tout le temps quelque chose à améliorer sur la glace. Moi, je vais être meilleur d'année en année, puis de game en game. Fait que, je vais mettre le focus là-dessus cette année. Là. OK. Comment tu vois ton retour dans la Ligue de hockey junior major du Québec? C'est sûr que ça aurait... On va se dire les vraies choses, Samuel, ça aurait été très surprenant que tu commences l'année avec les Preds. Donc, à quelque part, quand t'es passé à jouer, c'est sûr que tu y pensais. Mais toi-même, tu devais penser que tu as plus de chances de revenir à Shawinigan. Après avoir vécu un trip de même, habituellement, c'est des joueurs de hockey, ça leur prend un certain temps avant de se réadapter. Comment tu vois ça, ton retour? Ben, tu sais, c'est sûr que le calibre de jeu, quand je passe du camp national à Lyon, c'est sûr que le calibre est un peu moins... un petit peu moins vite, puis l'exécution aussi, mais je pense qu'il va encore faire... Il faudrait que je fasse encore une petite adaptation là, de ce que j'ai vécu dans les trois dernières semaines à ce que je vais vivre dans les prochaines semaines, mais j'aurais pas de problème, tu sais. À Shawinigan, cette année, on devrait avoir une bonne équipe, ça devrait bien aller, puis j'ai recommencé à pratiquer avec eux aujourd'hui, mais ouais, comme je te dis, ça va être une petite adaptation encore à faire, ça va prendre peut-être une semaine à se réadapter à ça, mais... Je suis content d'être revenu avec les Caps. Il faudrait que je fasse une bonne job cette année. On va avoir une bonne équipe. Puis, je pense que le monde nous voit pour aller loin. Puis, je vais être aussi un vétéran. Je vais avoir une grosse job à jouer dans cette équipe-là. Là. Effectivement. Ben Samuel, on est bien fiers de toi. On va te rappeler. On va se reparler tout au long de la saison. Là, il y a les championnats juniors aussi qui s'en viennent. Ça aussi, c'est un objectif de Samuel Girard durant le temps des fêtes. Là. Surtout que c'est au Québec. Oui, oui. Fait que on va s'en reparler durant ce temps-là. Ben Samuel Girard des Prédateurs de Nashville et des Cataractes de Shawinigan.